Chapitre 8e. Préparatifs de combat. Rentré dans sa chambre, Fouinard dormit à point fermé. Il avait cette faculté de commander à son sommeil. À 7 heures, il s'éveilla. Le temps était gris, il pleuvait finement. Il se questionna. Il savait qu'il fallait agir et rapidement. Pour lui, il n'était pas douteux que, quelque part dans cette maison, un personnage soupçonnait le rôle qu'il jouait. Le Whatman, qu'il avait entendu, l'avait reconnu. La femme de chambre des dames Valadier avait parlé. Était-ce seulement à ses maîtresses? Quelque autre avait-il compris que sous Fouinard, l'acteur, il y avait le détective dont tout Paris naguère avait applaudi les exploits? Quelque autre, mais qui? Il s'approcha de sa fenêtre et, en ouvrant les rideaux, regarda au dehors. Le jardin s'étendait assez loin en profondeur, une 30aine de mètres peut-être. Par l'éclaircie d'une allée, on apercevait le mur et au-delà une petite maison à volets verts. Évidemment, la demeure des dames Valadier. Était-ce de ce côté que le fantôme avait disparu, ou par cette petite porte qu'il apercevait là-bas, donnant sur la rue latérale? Justement, il avait plu, et nulle trace ne pouvait se retrouver sur le sable. Le valet de chambre, Albaret, frappa à sa porte et entra. « Monsieur a-t-il bien passé la nuit ?»« Monsieur le docteur m'envoie, et aussi demandez à monsieur s'il a besoin de quelque chose. »« Dites à votre maître que je me sens beaucoup mieux. » Et je crois bien être en état de retourner à Paris aujourd'hui même. Ah, à propos, serait-il possible d'envoyer une dépêche à Paris? Certainement, monsieur. D'autant que justement Madame Valadier vient de m'en donner une, et que je dois aller tout de suite au télégraphe. Bon, soyez assez aimable pour me donner le buvard, et puis la plume et l'encrier. Albaret, qui tenait un papier à la main, le posa sur le lit afin d'avoir les mains libres. Vivement, Fouinard lut. Gustave Valadier, rue de Crimée, 33, venir immédiatement, danger. Sans signature. Écriture de femme. De la mère ou de la fille? Albaret lui avait apporté les objets demandés. Attendez quelques minutes, je vous prie, ma dépêche est un peu longue. Comme vous voudrez, monsieur Fouinard. Ah, vous me connaissez? C'est Jean, le Whatman, qui nous a dit que monsieur est un artiste. Il prononça le mot d'un ton un peu dédaigneux. Le Châtelet. Pouh. Fouinard n'en était pas à se formaliser. Il écrivait. La dépêche était adressée à Suzon et devait être communiquée immédiatement à Michel, instructions détaillées, mais dans un langage convenu qui défiait les indiscrétions. « Allez, mon ami, » dit-il, « et entre-temps je vous demanderai de prier M. Tozanne de venir me voir dès qu'il le pourra. Tout de suite, monsieur. » « Alors, est-ce qu'il paraît que monsieur est très rigolo ?»« Plus que vous ne pouvez l'imaginer, » fit Otto d'un ton sépulcral. Albaret le regarda, ne comprit pas, et s'en alla avec ses deux dépêches. Un instant après, le docteur entrait dans sa chambre, pâle, abattu. Il était évident que sa nuit avait été sans sommeil. « Docteur, lui dit Fouinard, je vous donne mes instructions. Je désire vivement être présenté à Madame Valadier, le plus tôt possible. Cela tombe à merveille. Justement, Madame Valadier m'a fait dire par Julia que ce matin, c'est-à-dire à 1 heure de l'après-midi, elle essaierait de se traîner jusqu'à la salle à manger pour déjeuner avec nous. Je ne sais qui lui a dit que vous étiez Fouinard, le célèbre acteur. Et c'est bien une femme, n'est-il pas vrai? Elle voudrait vous connaître. Fort bien. Donc, vous venez de m'examiner. Je vais beaucoup mieux et vous me ferez faire tout à l'heure une promenade dans le jardin. Au déjeuner, je vous annoncerai que je repars pour Paris et vous m'offrirez de m'emmener dans votre auto. Tout cela sera fait. Mais réellement, est-ce que vous croyez pouvoir démêler cet effroyable mystère? Dites que j'en suis convaincu. Il ne s'agit plus que de détails. Ah, autre chose. À 12h30, vous irez vous-même chercher Madame Valadier pour lui offrir votre bras et l'aider à venir jusqu'ici. Entre nous, dit le docteur, je crois qu'elle se leurre et qu'elle ne pourra pas faire une marche aussi longue. Dame, si elle ne peut pas. Mais cela m'étonnerait. Elle désire me connaître. Et ce que femme veut... Là-dessus, je rentre dans ma chambre. Il se peut que ma sœur, Suzon, à qui j'ai adressé un télégramme, vienne me voir. Voulez-vous dire qu'on la fasse monter dans ma chambre? C'est entendu. Donc, à 11h30. Le tour du proprio. Clopin-clopin, dans le jardin et ses dépendances. Et puis, à 12h30, vous ne l'avez pas oublié, faites le chevalier français auprès de Madame Valadier. Là-dessus, allez vos affaires et espérez. Au revoir. À 10h30, petite Suzon sonnait à la grille. Ce fut le vieux Sylvain qui l'introduisit. Il se retira. « Eh bien ?» demanda Fouinard. Ah, j'ai été bien inquiète de Pierre, dit Susan. Vous aviez bien averti que vous ne rentreriez peut-être pas. Mais quand on a sonné 8 heures, 9 heures, j'ai eu la chair de poule et je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Brave petite. Enfin, vous avez reçu ma dépêche. Oui, oui. Tout de suite, Michel est parti pour la rue de Crimée. Et moi, je suis allé chez le notaire. Heureusement que là-dedans, on ouvre à 9 heures. Et vous avez réussi? Je le crois. Voilà. Le premier clerc n'y était pas. Mais j'ai trouvé le second, un petit brun tout frisé, qui tout de suite m'a fait des yeux de souris. J'ai fait celle qui avait beaucoup de chagrin, parce qu'il y avait si longtemps que je n'avais de nouvelles de mon cousin, Gustave Valadier. Le petit a cru que c'était mon amoureux. Alors, comme de juste, il s'est mis à me le débiner à fond. C'est ainsi, un là, un fainéant. Mais bien pire, il chipait des papiers à l'étude, et puis de l'argent. Mais ce qu'il a fait flanquer la porte, c'est quand on s'est aperçu qu'il avait volé des papiers importants. Entre autres, la minute d'un testament. Vous avez questionné? Encore? Ce testament? C'était celui par lequel le médecin d'ici, le docteur Tozan, si j'ai bien retenu, instituait pour sa légataire universelle sa femme. Lucille Blanchot. Ah, petite Susan, dit Fouinard, en prenant la jeune fille par la tête et en l'embrassant sur les deux joues. Ce que vous êtes chouette. Comment avez-vous tiré tout ça de ce petit frisé? Dame, on n'est pas trop déjeté, monsieur Fouinard. Il y en a qui me trouvent avenante, et le frisé a marché à fond. Savez-vous la date du testament? Oui, oui, 1905. Et c'est en 1905, murmura Fouinard, que la mère Valadier est devenue impotente. Tiens, tiens, tiens. Qu'est-ce que vous marmottez entre vos dents? Vous n'êtes pas content? Au contraire! Je marmotte que vous êtes la plus charmante, la plus adroite, la plus délicieuse des collaboratrices. Vous ne savez rien de plus? Non. Le premier clerc est arrivé, alors le frisé a refourré son nez dans ses papiers, et j'ai filé. C'est un chef-d'œuvre. Ah ça! Et Michel, je parie qu'il n'en a pas fait autant que vous. C'est ce qui vous trompe. Nous nous étions donné rendez-vous à 10h15, et il était là, heure militaire. Dès le reçu de la dépêche, il avait couru rue de Crimée. Ah, quel bouge, à ce qu'il paraît. Un cabaret plus que borgne. Rendez-vous de tous les apaches du quartier. Enseigne au puits sans fond. Et c'est là que demeure l'honnête Gustave? Oui, dans un cabinet à 10 francs par mois. Paraît qu'il est dans une purée noire. Et puis qu'il se cache, parce qu'il a de sales histoires où la police pourrait bien fourrer son nez. Il vit avec un tas de gueux, des terreurs, des bibis de Clignancourt et d'ailleurs. Et on se saoule là-dedans tous les soirs jusqu'à des minuit, 2 heures du matin. Le bonhomme était déjà sorti. Paraît qu'il avait reçu une dépêche. Toutes mes félicitations à Michel. Autre chose maintenant. Vous lui direz de ma part que ce soir, à partir de 11 heures, il se trouve au cabaret en question. Qu'il se fasse une bonne tête d'apache, qu'il boive à fond. Et quand j'y viendrai, qu'il me laisse faire. Jusqu'à ce que je lui fasse signe mon doigt sur mon nez. Comme ça, c'est bien compris? Oui, monsieur Fouinard. Mais dites-moi, vous allez encore risquer votre vie là-dedans? C'est pas une existence pour ceux qui vous aiment. Bon, laissez donc, petite Susan. J'ai mon talisman, ma Justine. Ah oui. Votre Justine, vous ne pensez qu'à elle, dit Susan attristée. Et il brandit sa canne avec un geste comique. Allons, petite jalouse. Tenez, si je réussis la petite affaire que j'ai entamée ici, eh bien je vous promets à vous et à Michel une jolie récompense. Oh, laquelle? Dites. Quand j'aurai réussi. Là-dessus, petite Susan, prenez vos clics et vos claques et allez retrouver Michel. Je vous conterai toute l'histoire et elle vous amusera. Alors, vous êtes content de nous? Tu parles, fit Fouinard en riant. Allez, allons, oust, à Paris. Et surtout pas d'inquiétude. Tout va bien, très bien.